Chapitre 301. L'interdiction de s'imposer inutilement une charge, de parler sans savoir ou de se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Allah Ta'ala dit: قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. Dis, ô Muhammad, pour cela, je ne vous demande aucun salaire et je ne parle pas sans savoir. Sourate 38, verset 86. 1655. Omar, radiyallahu anhu, a dit: on nous a interdit de nous mêler de ce qui ne nous regarde pas. Al-Bukhari. 1656. Masruq relate ce qui suit. Nous avons rendu visite à Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui nous a dit: ô gens, que celui qui sait quelque chose le dise, et que celui qui ne sait pas dise, Allah sait mieux que quiconque. Car c'est une marque de science que de dire Allah sait mieux que quiconque lorsque l'on ne sait pas. Allah Ta'ala dit à son prophète alayhi salatu wassalam: dis, pour cela je ne vous demande aucun salaire et je ne parle pas sans savoir. Sourate 38, verset 86. Al-Bukhari.